Chapitre 10e. Monsieur Tyrrell apprit avec étonnement la mauvaise issue d'un stratagème dont le succès lui avait semblé infaillible. Il en devint furieux. Grimes n'avait pas osé venir lui rendre compte en personne de sa malheureuse expédition et avait chargé un des gens de la maison d'annoncer à son maître l'évasion de Miss Melville. L'envoyé eut à peine le temps de faire son message et ne put échapper que par une prompte fuite au transport de rage de M. Tyrrell. Celui-ci fit appeler Grimes, et le jeune homme s'étant enfin présenté, plus mort que vif, il se fit raconter toutes les particularités de l'événement. Mais quand ce récit fut fini, Grimes se hâta de se retirer au milieu d'un déluge de blasphèmes et d'exécrations. Non que Grimes fût un poltron, mais il vénérait ce caractère divin qui accompagne la haute fortune, comme les Indiens adorent le diable. Ce n'était pas tout encore. Il y avait dans la fureur de M. Tyrrell quelque chose de si féroce et de si terrible que peu de personnes étaient assez intrépides pour ne pas trembler et pour ne pas sentir en elles une sorte de sentiment d'infériorité impossible à surmonter. À peine M. Tyrrell se sentit-il un moment de relâche qu'il se mit à repasser dans sa tête toutes les circonstances de l'événement. Il se plaignait avec une extrême amertume, et pour un observateur tranquille, il aurait été à la fois un objet de pitié par ses souffrances et d'horreur par sa profonde méchanceté. Il se rappelait toutes les précautions qu'il avait prises. Il n'avait rien négligé. Il n'avait pas la plus petite chose à redire à ses mesures, et il maudissait cette puissance aveugle et maligne qui se plaisait à déjouer ses projets les mieux concertés. Bien plus que tous les autres humains, il était l'objet de cette influence perfide. Pour l'abuser plus cruellement, il avait eu nombre de pouvoirs et au moment où il avait levé la main pour frapper, elle avait tout à coup été paralysée. À quel propos le ciel lui avait-il donc donné le sentiment des injures et la soif de la vengeance si les coups de son ressentiment étaient destinés à n'être jamais sentis? Il suffisait qu'il fût l'ennemi de quelqu'un pour que celui-ci fût pleinement assuré contre les traits du malheur. Quelles insultes, quelles offenses réitérées n'avait-il pas eu à endurer de cette misérable petite fille? Et par qui était-elle à présent arrachée à sa juste indignation? Par ce même démon attaché à sa poursuite, ce démon qui le traverse à chaque pas dans ses desseins, qui prend plaisir à lui enfoncer tous ses traits dans le cœur l'un après l'autre et qui se fait un jeu, une affreuse moquerie de ses souffrances. Il y avait une autre réflexion qui ajoutait à ses peines et qui l'entraînait à prendre des parties désespérées et hors de mesure. Il ne pouvait pas se dissimuler que cet événement allait porter un coup mortel à sa réputation. Il avait pensé qu'Émilie, une fois forcée à subir cet odieux mariage, se verrait obligée par décence, dès que l'affaire serait décidée, à jeter un voile sur l'acte de violence qu'elle aurait eu à souffrir. Mais cette garantie lui était enlevée, et M. Falkland n'allait pas manquer, pour se glorifier, de publier le déshonneur de son rival. Quoique dans son opinion particulière la manière dont il avait été provoqué par Miss Melville fût bien suffisante pour justifier tous les traitements qu'il pouvait juger à propos de lui infliger, il sentait fort bien que le monde verrait l'affaire sous un autre jour. Cette réflexion le portait à des mesures encore plus violentes, et elle le détermina à prendre tous les moyens possibles de verser sur quelques victimes les poisons qui dévoraient son cœur. Cependant, dès le moment qu'Émilie s'était vue dans un lieu de sûreté, son sang-froid et son intrépidité avaient commencé à l'abandonner. Tant qu'elle s'était sentie exposée aux attaques de l'injustice, elle avait trouvé dans son âme un courage qui dédaignait de plier. Le calme apparent qui succéda lui fut plus funeste. Elle n'avait plus d'aliment pour son courage, d'aiguillon pour son énergie. Ses pensées se reportaient sur les épreuves par lesquelles elle avait passé, et son âme succombait au souvenir de dangers dont la présence n'avait pu l'intimider. Jusqu'à l'époque où M. Tyrrell avait conçu cette cruelle antipathie qui le tourmentait, la crainte et l'inquiétude avaient été des sentiments étrangers pour elle. Sans avoir fait aucun apprentissage du malheur, elle était devenue tout d'un coup l'objet de la malice la plus infernale. Quand un accès de maladie vient saisir un homme d'une constitution robuste, son effet est bien plus fort qu'il ne le serait sur un homme délicat et valétudinaire. C'est ce qui arriva à Miss Melville. Elle passa la nuit dans l'insomnie et le malaise, et le lendemain, on lui trouva une forte fièvre. La maladie résista à tous les remèdes qu'on employa pour la chasser, quoiqu'il y eût d'espérer que la bonne constitution de la malade, jointe à la tranquillité dont elle jouissait et aux soins de ceux qui l'entouraient, viendrait à bout de surmonter le mal. Le second jour, elle tomba dans le délire. Sur le soir de ce même jour, elle fut arrêtée à la requête de M. Tyrrell pour dette résultant de sa pension et entretien depuis 14 années. Le lecteur se rappellera peut-être qu'il avait été question pour la première fois de cette dette dans la conversation entre M. Tyrrell et Miss Melville lorsqu'il avait jugé à propos de l'enfermer dans sa chambre. Mais il est vraisemblable qu'alors il ne pensait pas sérieusement à mettre jamais son idée à exécution. Il lui en avait seulement parlé par forme de menace, et comme par l'habitude où il était de passer en revue dans son esprit tous les moyens possibles de tyrannie et de vengeance. Mais lorsque la délivrance imprévue de la malheureuse cousine eut exalté la tête de M. Tyrrell jusqu'à la fureur, et qu'il eut rappelé toutes les ressources diaboliques de son esprit pour se soulager du poids de haine et de vengeance qui l'accablait, cette idée s'était représentée avec plus de force. Sa résolution avait été bientôt formée, et ayant fait venir Barnes, son intendant, il lui avait donné ordre d'agir sur le champ. Barnes était, depuis plusieurs années, l'instrument des injustices de M. Tyrrell. L'habitude avait endurci son âme, et il pouvait, sans remords, rester spectateur ou même agir comme directeur immédiat d'un acte de barbarie ordinaire. Mais, dans la circonstance présente, lui-même ne put contenir un mouvement d'émotion. Le caractère et la conduite d'Emily dans la maison de M. Tyrrell avaient toujours été irréprochables. Elle n'avait pas un ennemi, et il était impossible de voir sa jeunesse, son innocente vivacité, sa simplicité charmante, sans éprouver le plus vif intérêt et la plus tendre sympathie. « Votre seigneurie m'ordonne, je ne vous comprends pas. Arrêtez Miss Emily. » « Oui, je vous l'ordonne, ne m'entendez-vous pas ?»« Allez-vous-en sur le champ, chez Swincard, l'homme de loi, et dites-lui de ma part que j'entends que cela soit fait à l'instant même. » « Que Dieu conserve votre seigneurie. Mais arrêtez, Miss. Pourquoi donc ? Elle ne vous doit pas le premier sou. Elle a toujours vécu des bontés de votre seigneurie. »« Butor ! Faquin ! Je vous dis qu'elle me doit. Oui, elle me doit. » »« 1100 livres. La loi m'autorise. » »« Pour qui croyez-vous donc que les lois sont faites ? Je ne fais rien que de juste, mais j'entends user de mon droit. » »« Je n'ai jamais disputé les ordres de votre seigneurie. » Mais en conscience, je ne puis me taire. Je ne peux pas voir perdre ainsi cette pauvre fille et vous perdre vous-même aussi, sans vous dire ce que je pense. J'espère que vous me pardonnerez, mais enfin... Quand même, elle vous devrait cette somme. Elle ne pourrait toujours pas être arrêtée, elle n'a pas l'âge. Avez-vous fini, monsieur ? Pas tant de si et de mais. Pareille chose a déjà été faite à ma connaissance. Et on peut bien la faire encore. Qu'est-ce qui m'en empêchera ? Voyons, qui ? Je veux que cela soit tout à l'heure, je le veux, entendez-vous. Dites à Swincard que s'il ne se conduit pas comme je veux, il y va de sa tête. Je le ferai par Dieu mourir à petit feu. Je supplie votre seigneurie d'y regarder à deux fois. Sur mon âme, tout le pays va crier contre vous. Barnes, que voulez-vous dire ? Je ne suis pas accoutumé à ce qu'on tienne des propos sur ma conduite, et je ne les endurerai pas. Je vous ai trouvé un fidèle serviteur dans beaucoup d'occasions, mais si je vois que vous vous joignez aux autres pour me disputer mon autorité, Dieu me damne à tout jamais, si je ne vous en fais repentir pour toute votre vie. J'ai fini. Je n'ai plus qu'un mot à dire à votre seigneurie. J'ai entendu dire que Miss Emily était malade, au lit. Vous êtes déterminé, dites-vous, à la faire mettre en prison. Mais vous ne voulez pas la tuer, je suppose. Qu'elle crève, si elle veut. Je ne lui donnerai pas un quart d'heure de répit. Je ne me laisserai pas insulter. Elle n'a eu aucun égard pour moi. Je n'aurai aucune pitié pour elle. Je suis buté à cela. On m'a provoqué, on m'a poussé à bout, on s'en ressentira. Au lit ou non, jour ou nuit, dites à Swincard que je ne veux pas entendre parler d'une minute de grâce. Tels furent les ordres de M. Tyrrell, auxquels furent exactement conformes les procédés du respectable membre de la justice qu'il employa dans cette circonstance. Miss Melville avait été dans le transport une grande partie de la journée, quand le soir arrivèrent le sergent et sa suite. D'après l'ordre du médecin que M. Falkland avait envoyé pour la voir, on lui avait administré une potion calmante, et après l'épuisement que lui avaient causé les images bizarres qui avaient tourmenté pendant plusieurs heures son cerveau malade, elle était tombée dans un sommeil doux et rafraîchissant. Madame Hammond, la sœur de Madame Jakeman, était assise à côté du lit et pleine de compassion pour l'état de souffrance de cette aimable fille. Elle commençait à se réjouir de la voir plus calme quand une petite fille, qui était le seul enfant de Madame Hammond, alla ouvrir la porte de la rue au sergent. Celui-ci ayant dit qu'il voulait parler à Miss Melville, l'enfant répondit qu'elle allait le dire à sa mère, et en disant cela, elle s'avança à la porte de la chambre du fond où Émilie était couchée, mais dès que cette porte fut ouverte, au lieu d'attendre que la mère parût, le sergent entra avec la petite fille. Madame Hammond leva les yeux. « Qui êtes-vous » dit-elle. « Que demandez-vous ? » ?»« Paix donc, doucement. Il faut que je parle à Miss Melville. » »« Cela ne se peut pas. Dites-moi de quoi il s'agit. » La pauvre fille a eu la tête en l'air toute la journée. Elle ne vient que de s'endormir et il ne faut pas troubler son repos. Cela m'est égal. J'ai des ordres à exécuter. Des ordres de quelle part? Que voulez-vous dire? À ce moment, Émilie ouvrit les yeux. Quel bruit faites-vous donc là? J'espérais que vous me laisseriez un peu dormir. Miss, il faut que je vous parle. Je suis porteur d'une ordonnance rendue contre vous à la requête de M. Tyrrell pour 1100 livres. À ces mots, Madame Hammond et Émilie restèrent muettes. Celle-ci n'était guère en état de rien entendre à ce qu'on lui disait, et quoique Madame Hammond comprît un peu mieux le langage du sergent, avec cela, quand elle voulait lier des idées aussi étranges que celles qui la frappaient, elle ne pouvait guère mieux débrouiller cette énigme. Une ordonnance? Comment pourrait-elle devoir à M. Tyrrell? Une ordonnance contre un enfant? Ce n'est pas à nous qu'il faut faire toutes ces questions-là. Nous n'agissons que d'après les ordres. Tenez, voilà notre titre, voyez cela. Dieu tout-puissant, s'écria Madame Hammond, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas possible que ce soit M. Tyrrell qui vous ait envoyé. Ma bonne dame, point de mauvais propos, savez-vous lire? Tout cela est une fourberie, c'est un faux papier, c'est une ruse infâme pour enlever cette jeune demoiselle de mes mains, les seules où elle soit en sûreté. Monsieur, vous répondrez de toutes les suites de cette affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est bien ce que j'entends. Rapportez-vous-en à moi. Allez, je sais ce que je fais. Comment? Vous n'irez pas peut-être l'arracher de son lit? Je vous dis qu'elle a une fièvre violente. Elle est dans le transport. Ce serait la tuer que de l'ôter ici. Vous êtes des sergents, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des assassins. La loi ne dit rien sur cela. Nous avons ordre de l'emmener, malade ou non. Nous ne voulons pas lui faire mal, il faut seulement que nous fassions notre office, voilà tout. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Où voulez-vous l'emmener? À la prison du comté, Records. Allez-vous-en chez Griffin, commandez une chaise de poste. Arrêtez, mais arrêtez donc, n'envoyez pas. 3 heures seulement, je vais dépêcher un express à M. Falkland et je vous réponds qu'il satisfera à tout, qu'il vous mettra à l'abri de tout, que vous serez content, sans qu'il soit besoin de mettre en prison cette pauvre enfant. Nous avons justement des ordres particuliers là-dessus. Il ne nous est pas permis d'accorder une minute. Pourquoi n'êtes-vous donc pas parti, vous? Dites qu'on mette les chevaux sur le champ. Émilie avait écouté toute cette conversation, qu'il lui avait suffisamment expliqué ce que l'apparition des sergents avait eu d'abord d'énigmatique pour elle. Cette incroyable et affreuse vérité dissipa tout à fait les illusions du délire qu'elle venait d'essuyer. « Chère Madame Hammond, dit-elle, ne vous épuisez pas en efforts inutiles. Je suis bien affligée de toute la peine que je vous cause. Mais mon malheur est inévitable. Monsieur, si vous voulez attendre un moment dans la chambre à côté, je vais m'habiller et vous suivre. » Madame Hammond commença bien aussi à s'apercevoir que ces instances ne serviraient à rien. Mais il lui fut impossible d'avoir autant de patience. Tantôt il déclamait contre la barbare brutalité de M. Tyrrell, qu'elle disait être un démon incarné plutôt qu'un homme. Tantôt elle se répandait en invectives amères contre la dureté d'âme du sergent, et l'exhortait à mettre un peu de modération et d'humanité dans l'exercice de ses fonctions, mais il était inébranlable. Pendant ce temps-là, Émilie se soumettait avec la plus douce résignation à un mal inévitable. Madame Hammond insista pour qu'il lui fût au moins permis d'accompagner la jeune demoiselle dans la chaise de poste. Et quoique le sergent eût reçu des ordres assez positifs pour ne rien oser prendre sur lui quant à l'exécution de l'ordonnance, cependant il commença à craindre quelques suites dangereuses et il fut disposé à permettre toutes les précautions qui n'étaient pas directement opposées à l'objet de son ministère. Quant au reste, il était d'opinion qu'il y aurait de très grands inconvénients à admettre une allégation de maladie ou tout autre empêchement de cette nature comme une cause suffisante pour arrêter la marche de la loi, et qu'en conséquence, dans tous les cas douteux, et lorsqu'il y avait présomption de meurtre, la jurisprudence ordinaire inclinait toujours avec une très sage et très louable partialité en faveur des officiers de justice. À cette règle générale de conduite se joignait encore l'influence des injonctions très précises de Swincard, qui lui avait garanti tous les événements, et celle de la terreur universelle attachée au nom de Tyrell à plusieurs lieux à la ronde. Avant de partir, Madame Hammond dépêcha un express à M. Falkland avec un billet de 3 lignes pour l'informer de cet étrange événement. Quand l'express arriva, M. Falkland était sorti et ne devait être de retour que dans 2 jours, ce qui semblait concourir à favoriser encore la vengeance de M. Tyrell, car dans l'emportement de sa fureur, il n'avait pas eu le loisir de faire entrer cette circonstance dans ses combinaisons. Il est aisé de se figurer l'état de détresse de ces 2 malheureuses femmes, ainsi entraînées l'une par force, l'autre par dévouement, un lieu aussi peu fait pour elles qu'une prison publique. Il y avait néanmoins dans Madame Hammond la force d'âme et l'activité de zèle nécessaires à la conjoncture difficile où elle se trouvait. Son caractère posé et ferme, capable de sentir et de braver l'injustice sans se passionner, la rendait très propre à faire tout ce que la prudence et la réflexion pouvaient suggérer. La santé de Miss Melville fut considérablement affectée, comme il y avait lieu de s'y attendre, par la surprise qu'elle avait eue et par le déplacement qu'elle avait souffert au moment même où leur peau lui était le plus nécessaire. Sa fièvre devint plus forte que jamais, son délire redoubla et les tourments de son imagination égarée augmentèrent en raison des circonstances dans lesquelles elle avait été arrachée à son sommeil. Il n'y avait presque plus d'espoir qu'elle pût en réchapper. Dans le moment où sa raison l'abandonnait, le nom de Falkland était continuellement dans sa bouche. « Monsieur Falkland, disait-elle, était son premier amant, son unique amant. Il serait un jour son mari. » Un instant après, elle lui faisait des reproches douloureux sur son indigne déférence pour les préjugés du monde. C'était bien cruel à lui d'être aussi fier et d'aller lui dire qu'il ne consentirait jamais à épouser une pauvre orpheline. Mais s'il était si fier, elle était très déterminée à l'être tout autant que lui. Elle lui ferait bien voir, par sa conduite, qu'elle n'était ni faible ni légère, et que s'il la dédaignait, elle saurait supporter son malheur avec constance. Une autre fois, elle voyait M. Tyrell et son complice Grimes, les mains et les habits ensanglantés, et elle leur adressait des reproches si pathétiques que le cœur le plus dur en aurait été touché. Ensuite, l'image de Falkland revenait se présenter à son imagination délirante. Elle le voyait déchiré de 1000 blessures et couvert d'une pâleur mortelle. Elle poussait des cris aigus et douloureux. Elle accusait tout le monde d'insensibilité, de ne pas donner le moindre secours à son malheureux amant. Ce fut ainsi qu'elle passa 2 journées presque entières dans une succession continuelle de tortures, se voyant sans cesse entourée de barbares et d'assassins. Le soir du 2nd jour arriva M. Falkland, accompagné du docteur Wilson, le médecin qui l'avait déjà traité. La scène à laquelle il était appelé était déchirante pour un homme d'une sensibilité aussi vive que la sienne. La nouvelle de l'emprisonnement lui avait porté un coup terrible. Cet acte inouï de méchanceté l'avait mis hors de lui-même. Mais quand il aperçut le visage hagard de Miss Melville, quand il vit l'arrêt de mort écrit dans tous les traits de cette malheureuse victime d'une infernale jalousie, il ne put soutenir ce spectacle. Au moment où il entra, elle était dans un accès de délire. Elle prit les 2 survenants pour des assassins. Elle leur demandait ce qu'ils avaient fait de son Falkland, de son unique bien, de sa vie, de son époux. Elle les suppliait de lui rendre les restes de son corps sanglant pour qu'elle pût les presser encore dans ses bras mourants, rendre le dernier soupir sur ses lèvres et être ensevelie dans le même tombeau que lui. Elle leur reprochait la bassesse de leur conduite, de servir ainsi d'instrument à la barbarie de son lâche cousin, qui lui avait fait perdre la raison et qui ne serait pas satisfait qu'il ne l'eût assassiné. M. Falkland s'arracha bientôt de ce lieu de douleur et, laissant le docteur auprès de sa malade, il lui recommanda de venir le trouver à son auberge aussitôt après avoir ordonné ce qu'il y avait à faire. L'agitation continuelle dans laquelle avait été Miss Melville pendant plusieurs jours, par la nature de sa maladie, avait épuisé totalement ses forces. Environ une heure après la visite de M. Falkland, le transport se passa et la laissa si bas qu'il était difficile d'apercevoir en elle quelque signe de vie. Le docteur, qui venait de sortir pour calmer un peu le trouble et l'impatience de M. Falkland, fut rappelé de nouveau d'après ce changement de symptômes et il passa le reste de la nuit près du lit de la malade. La situation de celle-ci était telle qu'on pouvait craindre de la voir passer d'un moment à l'autre. Tandis que Miss Melville était dans cet état de faiblesse et d'épuisement, on voyait sur la figure de Madame Hammond les signes de la plus vive inquiétude. Elle était naturellement d'une extrême sensibilité, et les vertus d'Emily étaient bien faites pour gagner toute son affection. Elle l'aimait comme une mère. Dans cette circonstance, le moindre mouvement, le moindre son la faisait trembler. Le docteur, à cause de la fatigue continuelle qu'avait eue Madame Hammond, avait emmené une autre garde et il employa toutes sortes de représentations, même un peu d'autorité, pour forcer cette dame à quitter la chambre de la malade. Mais il fut impossible de rien gagner sur elle et il finit par s'apercevoir que la violence qu'il faudrait nécessairement lui faire pour la séparer de sa malheureuse amie lui ferait probablement plus de mal que si on lui laissait suivre son inclination. 100 fois son œil se tournait vers le docteur avec la plus vive curiosité et cherchait à lire dans sa figure, sans qu'elle osât souffler un seul mot pour lui demander son opinion, tant elle avait peur de recevoir une réponse sinistre. En même temps, elle écoutait avec une extrême attention la moindre parole qui sortait de la bouche du médecin ou de la garde, comme si elle eût espéré de recueillir indirectement quelque indication sur ce qu'elle brûlait de savoir et qu'elle n'avait pas le courage de demander expressément. Vers le matin, l'état de la malade parut prendre une tournure favorable. Elle sommeilla pendant près de 2 heures, et quand elle se réveilla, elle était tout à fait calme et revenue à son bon sens. Ayant entendu dire que M. Falkland lui avait amené un médecin et était lui-même dans les environs, elle demanda à le voir. M. Falkland avait été pendant ce temps avec un de ses fermiers cautionner la dette, et à ce moment il entrait dans la prison pour s'informer si on pouvait, sans danger, essayait de faire sortir la malade de cette triste demeure pour la transporter dans une chambre plus aérée et plus commode. Quand il parut, sa vue rappela confusément à Miss Melville les rêveries qu'elle avait eues pendant le transport. Elle se couvrit le visage de la main avec un air de confusion très remarquable, et cependant elle le remercia avec cette aimable simplicité qui lui était ordinaire de toute la peine qu'il s'était donnée pour elle. Elle espérait ne lui en plus causer autant. Elle pensait que cela irait mieux. « Ce serait vraiment une honte, disait-elle, si dans toute la force et l'activité de la jeunesse, elle ne venait pas à bout de survivre aux légères traverses qu'elle avait eues à essuyer. » Mais en disant ceci, elle était toujours d'une faiblesse extrême. Elle tâchait de prendre l'air riant et satisfait, mais l'effort était au-dessus de ses forces. M. Falkland et le docteur joignirent leurs instances pour la prier de rester tout à fait tranquille et d'éviter pour le moment tout ce qui pourrait l'émouvoir. Encouragée par ses apparences, Madame Hammond se hasarda alors à suivre ces deux messieurs hors de la chambre, pour savoir du médecin jusqu'où allaient ses espérances. Le docteur avoua qu'il avait d'abord trouvé la malade dans une situation très dangereuse, mais il déclara qu'il y avait du mieux dans les symptômes et qu'il n'était pas sans espérance de la retirer de là. Toutefois, il ajouta qu'il ne pouvait encore répondre de rien, que les 12 heures qui allaient suivre seraient extrêmement critiques, mais que si le lendemain matin elle n'était pas plus mal, il croyait pouvoir garantir de la sauver. Madame Hammond, qui n'avait encore vu jusque-là les choses que comme désespérées, devint presque folle de joie. Dans son transport, elle fondait en larmes. Elle bénissait le docteur dans les termes les plus forts et les plus passionnés. elle disait mille extravagances. M. Wilson saisit cette occasion pour la presser de prendre elle-même un peu de repos, à quoi elle consentit après s'être fait donner une chambre tout auprès de celle de sa jeune amie et avoir bien recommandé à la garde de l'avertir au moindre changement qui pourrait survenir dans l'état de la malade. Madame Hammond dormait depuis plusieurs heures sans interruption lorsqu'elle fut réveillée par un mouvement extraordinaire qui se fit entendre dans la chambre voisine. Elle prêta l'oreille pendant quelques minutes et ensuite se détermina à aller voir ce que ce pouvait être. Comme elle ouvrait la porte, elle rencontra la garde qui venait la trouver. La figure de celle-ci indiquait assez, sans qu'il fût besoin de parler, ce qu'elle venait apprendre. Madame Hammond vole au lit de Miss Melville et la voix expirante. Les apparences du mieux avaient été de peu de durée. Le calme du matin n'avait été qu'un éclair précurseur de la mort. En quelques heures, l'état de la malade avait sensiblement empiré. Son teint s'était terni et décoloré. Elle avait la respiration gênée et le regard fixe et immobile. Le docteur, qui était entré dans ce moment, avait vu du premier coup d'œil que c'en était fait. Elle eut quelques convulsions, et quand elles furent cessées, elle adressa la parole au médecin, d'un ton calme, mais très faible. Elle le remercia de ses soins, et exprima la plus vive reconnaissance pour les bontés de M. Falkland. Elle pardonna son cousin, en désirant qu'il ne fût jamais trop tourmenté par le souvenir de sa cruauté envers elle. Elle aurait désiré vivre plus longtemps. Personne n'avait eu un goût plus vif qu'elle pour les choses propres à faire aimer la vie, mais elle préférait encore de mourir à se voir la femme de Grimes. Au moment où entra Madame Hammond, elle tourna la tête vers elle et avec la plus touchante expression d'amitié prononça son nom plusieurs fois. Ce furent là ses dernières paroles. Moins de 2 heures après, elle rendit le dernier soupir entre les mains de sa fidèle amie.